Shush. Shush, shush. Je suis dans la cabine. Sans sur les babines. Je suis dans la berline. Papilla Stein. Tout ce que tu veux est dans le bâtiment. Les guetteurs à la fusion en bâtiment. Si tu dis tes rips sera ton châtiment. BL c'est poteau que dans ta tête, allez brava. OBR c'est 40 la dose. Quand y'a un trou, les gérants tapent la pause. En cas d'embrouille, ça sort les choses. Il suffit d'une balle pour que ta vie soit close. Nous face à midi, coquette les gars. Mais la ronde à midi, petit reste là. Si on débarque dans ta tête, beaucoup sans bella. Non, congolais, mais je mettrai ton lingala. Nous face à ralenti, gars. C'est à dos, que QE Favelas vient d'un benga. Ramenez-les-moi les gars, y'aura des points d'écart. Depuis que je rappe, les cœurs sont plus sur les cartes. Gros, ils sont sur mon portable. Gros, casse ta gueule, t'auras des tartes. Gros, un poteau inspire si t'as pas d'inspi. Face à moi, faut que tu bédaves plus d'un spliff. Sinon c'est grave, mort. Sinon je tape fort ou je mets des gifs. Je veux que les couleurs de peau finissent par faire la paix. Quand on sera mort, on aura la même adresse. On verra des corps à terre. Mes poteaux ont le corps à tort, y'aura pas de corps à corps. J'ai la moitié de ton cœur, mais la totalité de ton corps. Celui qui t'aime t'appelle, t'appelle pas pour ta pine. Moi, si je t'appelle, tu vas crier fort. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention, ça va rafaler. Le brolic papa chinois, ferme ta gueule, on n'est pas venu bavarder. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention, ça va rafaler. Rafaler, rafaler. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention, ça va rafaler. Le brolic papa chinois, ferme ta gueule, on n'est pas venu bavarder. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention, ça va rafaler. Rafaler, rafaler. J'suis dans la cabine. J'suis dans la berline, ma pillage line. J'suis dans la cabine, sans sur les babines. J'suis dans la berline, ma pillage line. Un coup de fil du poteau, rejetage, tarbé. Pète la forme en maison d'arrêt. Quand on fera rentrer plus, on va se taper. Des barres logiques, la roue se met à tourner. Tourner, tourner, tourner, tourner. J'ai zoné, zoné comme un fou, c'était mérité. Rembat ta médaille, j'veux que du cash. Pour les miens, j'dépense, ça soit rentable ou pas. Tiens-toi, Garo, à personne ose nous comparer. Le tarot d'une con, c'est de J.E. Crête pas de 5, on va démarrer. Sur l'instru, je viens de démarrer. On me chuchote à fond, faut que je démarre. Flot de baison, point pour un taré. Je veux le bénéfice d'un gros site du Qatar. C'est pas moi qui pars, c'est la Zubraska. J'entends quelques échos de balles de l'Ashka. Encore une histoire qui vire au drame. Les raisons des faits sont souvent les mêmes. C'est quoi l'adresse, je récupère les gains. Là-bas, c'est tendu, nous on craint des gains. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention ça va rafaler. Le brolic papa chinois, ferme ta gueule, on n'est pas venu bavarder. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention ça va rafaler. Rafaler, rafaler. Rafaler. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention ça va rafaler. Le brolic papa chinois, ferme ta gueule, on n'est pas venu bavarder. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention ça va rafaler. Rafaler, rafaler. J'suis dans la cabine. Sur les babines, j'suis dans la berline, ma pillage line. J'suis dans la cabine, sans sur les babines, j'suis dans la berline, ma pillage line. Ouvrez grand vos gosiers, bande de traînés, pour y accueillir mon clan. Nous on est passé au plan B, fisté tous ces rappeurs, on le fait depuis longtemps. T'as reconnu le timbre violent, manchette vissée dans tes gencives. Ils s'en tapent de ton rap conscient, ils n'ont rien compris à ce qu'était dans le livre. Rap de migrant qui a stoppé le sport pour se prendre un calibre. Trop réel, j't'élimine et j'parlerai de défense comme Israël. Tous prennent la tête sur des broutilles et on oublie leur continent. Tous prétendent avoir des outils et se méfient pas ce mec trop tigeant. Fuck nouvel arrivant, gardant peur à la Kaira, ça tapine. Quand je rentre dans la cabine, c'est mon meusper qui a sur vos babines. Mauvais Joe sur deux roues, casque intégral, attention